50 languages. 83. 83. صيغة الماضي الثالثة. Passé 3. Passé 3. يهاتف. Téléphoner. Téléphoner. لقد اتصلت هاتفيا. J'ai téléphoné. J'ai téléphoné. اتصلت بالهاتف طيلة الوقت. J'ai téléphoné tout le temps. J'ai téléphoné tout le temps. يسأل. Demander. Demander. قد سألت. J'ai demandé. J'ai demandé. كنت دائما أسأل. J'ai toujours demandé. J'ai toujours demandé. يحكي, يروي. Raconter. Raconter. لقد رويت. J'ai raconté. J'ai raconté. لقد رويت القصة بكاملها. J'ai raconté toute l'histoire. J'ai raconté toute l'histoire. يتعلم, يذاكر. Étudier. Étudier. لقد تعلمت. لقد ذاكرت. J'ai étudié. J'ai étudié. لقد ذاكرت طيلة المساء. J'ai étudié toute la soirée. J'ai étudié toute la soirée. يشتغل. Travailler. Travailler. لقد اشتغلت. J'ai travaillé. J'ai travaillé. لقد اشتغلت طيلة النهار. J'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé toute la journée. يأكل. Manger. Manger. لقد أكلت. J'ai mangé. J'ai mangé. لقد أكلت كل الطعام. J'ai mangé tout le repas. J'ai mangé tout le repas.